combien de fois chez moi suis-je rentré bourré, combien de fois la serrure a esquivé ma clé. Tu sais, chez moi on se fait chier, donc on s'occupe beaucoup de baston et du percut. Demande aux jeunes en sortie de boîte qui rêvent de battre pour te déboîte. S'embrouille pour que dalle, même pas un regard. Joue les vandames qui ont la dalle, font les connards, les radars activés. Boisson énergie, sky mieux que l'actimel pour s'activer. Sans activité y'a rien à faire frère, pas même un concert. Beaucoup boivent, paraît que ça conserve. Beaucoup fument, finiront avec le cancer. J'suis né consterne pour ces gars les concerts. D'autres se concertent, plus on est de fous, plus on rit certes. C'est peut-être le proverbe, mais chez nous, plus on est de fous, plus on est fous. Viens voir l'état des jeunes qui s'emmerdent, donc se démerdent sans aide. Merde, c'est la merde, un désastre. Le rêve n'est pas de décrocher les astres, mais l'ennui ronge et ça dérange. Viens voir l'état des jeunes qui s'emmerdent, donc se démerdent sans aide. Merde, c'est la merde, un désastre. Le rêve n'est pas de décrocher les astres, mais l'ennui ronge et ça dérange. Si Mary m'attaque, c'est qu'à chaque sortie on se croirait en Irak. Trop à la niaque, attend des fêtes pour se battre. Soi-disant, devant les filles ça épate. Pof con, t'as rien pris con. Que tu récoltes c'est les coups. Encore plus si t'es rebou. Pouvez prouver que t'as des yeux. Trop de cherche merde, faut les brûler comme les skinheads. J'te parle de ce que je connais. Dans cette ville c'est l'ennui et tu le sais. Beaucoup bougent à Montpellier, à Toulouse. Les grandes villes attirent et tous se tirent. D'ici, de spi, ceux qui restent traînent. Traînent leur peine et à 2h du matin, c'est la ville qui nous appartient. La ville où la vie est dure et les gens le savent. Pour ça qu'autour de moi, de plus en plus bédaves et perdent leurs rêves. Viens voir l'état des jeunes qui s'emmerdent, donc se démerdent sans aide. Merde, c'est la merde, un désastre. Le rêve n'est pas de décrocher les astres, mais l'ennui ronge et ça dérange. Viens voir l'état des jeunes qui s'emmerdent, donc se démerdent sans aide. Merde, c'est la merde, un désastre. Le rêve n'est pas de décrocher les astres, mais l'ennui ronge et ça dérange. Si je te parle de tout ça et que les jeunes s'abîment, c'est que tout ça, ça arrive. Et trop souvent, c'est saoulant. Les jeunes boivent en roulant, certains crèvent en moto ou accident de voiture. Tout ça pour faire les beaux, sans penser au futur. Et je suis sûr que tant qu'on est des tétraplégiques, tu suis ma logique. L'ennui te ronge, te pousse à faire des conneries. Vol, passe ton alcool, carton, t'es chie. Et j'en passe, et j'en bave. Y'a trop de moyens de se ruiner, de mourir ou même finir chez le kiné. Dure, dure la vie, hein. On fuit l'ennui et l'hôpital devient banal. Lieu convivialité, y'a vraiment trop de crédibilité. Car trop sont habilités à tomber dans la facilité pour tout niquer. Et désolé si désormais j't'ai paniqué. Viens voir l'état des jeunes qui s'emmerdent, donc se démerdent sans aide. Merde, c'est la merde, un désastre. Le rêve n'est pas de décrocher les astres, mais l'ennui ronge et ça dérange. Viens voir l'état des jeunes qui s'emmerdent, donc se démerdent sans aide. Merde, c'est la merde, un désastre. Le rêve n'est pas de décrocher les astres, mais l'ennui ronge et ça dérange. Ouais, viens voir, hein, l'état des jeunes. Pour tous les jeunes en galère, pour tous mes frères. LRAC 2008, sur une prod El Calife.